fait raffiner. Cache le produit dans la raffinerie. Quand j'ai faim, je sais où je vais. Pépé prépare le meilleur riz. Ici 6-9 la trique. Remballe ton équipe, t'es sous le porte la crête. Doré, café, crème. Tu trouves trop la clope, t'as la voix de la crime. Je m'endors à l'aube, pilote, je tourne à l'eau pour l'odeur. Mais la lune pour cette clip, mais le lume. Elle a trop con, je crois qu'elle a des alus. On va pas faire FIFA dans mes yeux, elle a lu. Je rappe dans des salous, j'ai même pas le droit d'entrer. Tonton le H, t'as bien un dernier CP. Dans la maisonnette, face au père, pas la même mentalité, on cherche pas à percer. Fumé sur le palais, je me fais sucer sous pilon. Je mets le son à fond, j'entends pas à soupirer. T'as qu'on gratte un fit, elle passe. Au bureau, entre deux vagos, je suis pas assez pigé. Tu vomis tes tripes, tu craches ta bile. Tu n'as pas les contacts, tu n'as pas les fils. Quand tu veux qu'on soit, tu vas voir les plus crapauds, c'est devant l'ICA mobile. Que je le soupe, Nina à la que je le soupe. Je suis faillé, moi je veux que le soupe. Je suis dans la maison, et puis y'a que les fous. Que je le soupe. Nina à la cache de soupe. J'ai failli moi jouer que le sou. J'suis dans la maison mais tout y'a que des fous. Cache de soupe. Nina à la cache de soupe. J'ai failli moi jouer que le sou. J'suis dans la maison mais tout y'a que des fous. Cache de soupe. Nina à la pussy j'ai l'art. Elle a demandé 10 dollars. C'est du putain de nez que j'lui qu'est l'art. C'est nous les stars du cloud. Bientôt tu vas nous sucer fort. Capri vous la met sans effort. Je vous laisse taper ces trois celles sans les formes. On a avancé même sans la force. Et tes articles qui t'enculaient. Y'a beaucoup trop de rage en nous. Voilà on pourra jamais reculer. Jusqu'à plus j'irai plus de 1004. Ça pue ça marouane. A du dernier marouane. Le marouane. Parle pas de nous tes oreilles. Plus le rayon. Trouve-moi avec tout mon lion. Son grand PMI. Quand je m'en prends, je vais être méchant. Dans la couleur des thunes, t'as géchant. La réunion des MC branchés pour avaler tous nos brochis méchants. J'irai pas dans vos sphères, non. Vous êtes même plus des hommes, lions ont le clé mettant tes ordres. On est en train de bousiller le talent en pur. Range ta langue, baisse ton pantalon. Mets ta main devant ta bouche et prends ta cartouche. Maintenant voilà pour ces médias, nos réponses seront toutes immédiates. Tu fais du patin, gratin. Tu vas nous préparer, gratin. Je vois ça gratte, ça quête. Ça pète, on a les decks, t'as les decks. Bah t'as l'air vrai. Mais c'est pas possible, je chope pour du bruit. Ces mecs là c'est des poussies. Mais c'est pas possible, je chope pour des bruits. Ces mecs là c'est des poussies. Quoi, tu croyais pas qu'on allait y arriver par étapes. Quoi, tu croyais pas que des petits esprits je te tape. Range ta langue, dépaisse ton pantalon. Mets ta main devant ta bouche et prends ta cartouche. Range ta langue, dépaisse ton pantalon. Mets ta main devant ta bouche et prends ta cartouche. Range ta langue, dépaisse ton pantalon. Mets ta main devant ta bouche et prends ta cartouche. Range ta langue, baisse ton pantalon, mets ta main devant ta bouche et prends ta cartouche.